بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères. Aujourd'hui, on va essayer de prendre deux hadiths. بإذن الله تعالى, si on peut. Alors, donc le hadith 12, l'auteur, l'imam Rabi'a حفظه الله تعالى, qui nous dit جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء, le fait de combattre les, ceux qui ont dévié de la voie, de la guidée des prophètes. An Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أخرجه مسلم وأحمد. سلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun prophète qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé dans une communauté avant moi sans qu'il n'avait dans sa communauté des apôtres. Le terme apôtre, souvent, donc il est connu chez les gens, il est connu chez nous comme étant un terme spécifique aux chrétiens. Si tu regardes dans le dictionnaire de que ce soit Larousse ou autre, le terme apôtre, il va être utilisé pour les chrétiens, mais aussi pour toute autre religion. Le terme apôtre, donc, selon le dictionnaire, ce sont les premières personnes qui vont défendre un principe, défendre une religion, défendre une doctrine, propager cette doctrine, etc. Ou alors, le terme apôtre va être utilisé pour la religion chrétienne. Voilà pourquoi ici, j'ai gardé le terme apôtre. Et de toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il explique ce qui est voulu. Et donc, il n'y a aucune communauté avant la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait accordé au prophète des apôtres et des compagnons qui vont prendre de sa sunna et suivre ses ordres. Puis, après cela, donc après cette génération, il y a donc des mauvaises générations qui viennent par la suite. El-Khulouf. El-Khulouf, c'est le pluriel de Khalfoun. Khalfoun, on fait la distinction entre Khalfoun et Khalef. Khalefoun, c'est dans le bien. Khalefoun, la base du terme Khalef, ce sont ceux qui viennent après des gens, ceux qui vont succéder des gens, mais dans le bien. Ça, c'est Khalef. Ceux qui vont succéder des gens dans le mal, on les appelle Khalfoun. Et le pluriel, Khulouf. Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Et donc فخلف من بعدهم خلف, après eux sont venus des mauvaises générations. Des mauvaises générations, nous disent les savants du tafsir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mauvaises générations? أضاعوا الصلاة, ils ont délaissé la salat, واتبعوا الشهوات, et ils ont suivi donc les passions. فسوف يلقون غيا. Les savants du tafsir, ils ont divergé ici. غي, certains ont dit c'est un endroit spécifique en enfer, d'autres ils ont dit c'est le nom de l'enfer, il y en a qui ont dit c'est un arbre en enfer. Voilà pourquoi Cheikh Saadi rahimahullah, dans son tafsir, vous voyez, Cheikh Saadi en général, il ne cite que rarement les divergences, très très très rarement, et en général il cite l'avis le plus juste selon lui pour faciliter le débutant dans la science du tafsir. Ou alors il va citer une parole qui est globale et qui englobe tous les avis. Ici, Cheikh Saadi, il dit, ce qui est voulu ici, c'est un châtiment douloureux. Ces personnes-là auront un châtiment douloureux. Il a englobé tous les avis, puisque que tu sois dans un endroit spécifique de l'enfer, ou alors c'est le nom de l'enfer, ou alors c'est un arbre de l'enfer, tout ça, ça englobe le fait que tu auras un châtiment, ces gens-là, ils auront un châtiment douloureux. Et donc, tout ça pour dire que le terme Khalfoun, ce qui est voulu ici, c'est qu'après cette première génération, viendra, il y aura des successeurs. Ce qui est voulu ici, attention, ce ne sont pas ceux qui sont venus tout de suite après les compagnons, mais donc ça peut, pour il se peut que ce soit des gens qui soient venus tout de suite après, comme il se peut que ça soit des successeurs qui soient venus un peu après. Parce que ici, on parle de toutes les communautés, on ne parle pas de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait pertinemment que pour notre communauté, on a les trois premières générations, comme on le verra, inshallah ta'ala. Et donc, après cette génération, il y a donc une génération de mauvais successeurs qui viendront. Qu'est-ce qu'ils auront de spécifique, cette génération? Yaquluna ma la yaf'alun. Ils diront ce qu'ils ne font pas. Et ils feront ce qu'il ne leur est pas ordonné de faire. Celui qui les combat par la main, alors celui-ci est un croyant. Celui qui les combat par sa langue, celui-ci est un croyant. Celui qui les combat par son cœur, celui-ci est un croyant. Et il n'y a Il n'y a pas derrière cela, après cela, il n'y a pas le poids d'un grain de moutarde de foi. C'est-à-dire ce qui est voulu, après cela, il n'y a pas de foi. Après cela, il n'y a pas de foi. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par ce hadith, au cher frère? Il a cité ce hadith dans son livre pour montrer l'importance du suivi des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car il est clair que dans ce hadith, il y a les éloges des compagnons. Ce hadith est général concernant tous les prophètes. Mais ici, donc, lorsqu'on parle de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on parle donc de ses compagnons, ceux qui ont cette caractéristique, qui ont suivi sa sunna, ceux qui ont suivi sa sunna et qui se sont accrochés à celle-ci. Et on a déjà vu précédemment l'importance de suivre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On le répète encore une fois, il nous est obligatoire. Si tu veux avoir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'est obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sabiqoun al-awwaloun, les prédécesseurs, les premiers, min al-muhajirin wal-ansar, parmi les muhajirun et les ansar. Walladhina tabi'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Il t'est obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu veux obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, Khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Et donc il y a beaucoup d'ahadith qui nous montrent les mérites de ces compagnons et le fait que nous devons les suivre. Et ici, ce hadith va appuyer cela et va confirmer cela. Voilà pourquoi il est vraiment important, chers frères, qu'on accorde une grande importance à cela, le fait de suivre ces gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait leurs éloges. Et après eux, viendront une génération, une mauvaise génération, des mauvais successeurs. Quelles sont les particularités de ces successeurs? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, yakuluna ma la yaf'alun. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Cette parole, elle est générale. Et elle englobe plusieurs points. Il y a premièrement, an-nifaq, l'hypocrisie. L'hypocrisie, le fait de dire ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, le fait de dire, de montrer ce qui n'est pas conforme à la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala qui parle des munafiqin et qui nous dit yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ils disent de leur bouche ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et donc cette caractéristique est une caractéristique hypocrite. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention à ça. Il y a aussi dans cette parole qui est générale le fait que certains savants mettent en avant ici l'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils disent suivre la sunna. Et c'est là qu'on a cette question qui vient, ô cher frère, est-ce qu'il y a un égaré, est-ce qu'il y a un innovateur qui va venir te voir et te dire, attention, je suis innovateur, il ne faut pas que tu me suives. Attention, Indek, moi je suis innovateur, il ne faut pas me suivre. Ça n'existe pas. Tous, ils pensent être sur la vérité. Et donc, ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils disent suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'ils le font réellement? Non. Et donc, il faut se méfier de cela. Nous aussi, ô chers frères, nous devons nous méfier de tomber dans cela, le fait de dire ce qui n'est pas conforme à notre pratique. Hein? Je suis salafi. Je suis salafi. Lorsque tu regardes sa croyance, sa pratique, son comportement, etc., il est loin de la salafia. Et donc, il faut qu'on fasse attention, chers frères, à respecter cette religion et que ce n'est pas que dans la parole. Et là, ici, on arrive à un troisième point. Et c'est là que je vous ai dit que cette parole, elle nous concerne. Et c'est très important. Alors, Tabaraka wa ta'ala qui s'adresse aux croyants. Limetakuluna mela tef'aloun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est grave et très détestable auprès d'Allah que vous dites ce que vous disiez ce que vous ne faites pas. Ou que vous dites ce que vous ne faites pas. C'est grave. Et donc il est important, chers frères, qu'on fasse attention à ce que nos actes soient conformes à notre parole. Lorsqu'on dit qu'on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il aborde ce sujet. Et il dit, ulama ussu, ulama ussu, yad'ouna an-nas ou yak'ouduna ala an-nar. Il dit, les savants, les mauvais savants, ils sont assis sur l'enfer. Ils sont assis sur l'enfer. Ou sur le feu. Yad'ouna an-nas ila an-nari bi a'malihim wa yad'ounahum ila al-jannati bi aqwalihim. Les mauvais savants sont assis sur le feu, ils appellent les gens à l'enfer, ils appellent les gens au feu par leurs actes, par leurs agissements. Ils appellent les gens au paradis par leurs paroles. Ils vont te dire, il faut craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire de médisance, il ne faut pas faire ci, etc., etc., etc. Ça, c'est la parole. Et lorsque tu regardes les actes, tu vas trouver le cause. Tu vas trouver le mensonge, tu vas trouver le fait de mépriser les croyants, etc., etc., etc. Tu vas trouver le contraire de ce qu'il y a dans les assises, dans les cours, etc. Et donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a décrit ces savants en disant que ce sont les savants du sou, du mal, de ce qui est mauvais. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ce que nous aussi, aux chers frères, on ne tombe pas dans ce piège. On ne tombe pas dans ce piège. Le fait d'appeler nos proches à la sunna, tu es là, tu appelles ta famille à la sunna, etc. Et ensuite, dans ton comportement, tu es le contraire de la sunna. Tu fais le contraire de la sunna. Et en faisant ça, il faut que tu saches que il se peut que tu fasses quelque chose de plus grave encore. Wa inna minkum la munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui éloignent les autres. Que par ces actes que tu as eu, que tu éloignes les gens de la sunna. Tu les éloignes de la sunna. Pourquoi? Ah, Fulan, il est trop si, etc. Il a menti une fois, j'ai vu ça, c'est les salafis, ils mentent, etc. À partir du moment où toi, tu vas faire un péché, ou toi, tu vas faire quelque chose de grave, les gens, ils vont l'affilier à qui? À Salafiyoun, tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est Ashab al-Lihya. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Faites attention, chers frères, barakallahu fikoum, à ce que vos actes soient conformes à votre parole lorsque vous dites aux gens, Nahnu salafiyoun. Ça, c'est une parole qui est lourde dans la balance. C'est une parole qui est lourde. Tu dis, je suis salafi, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas, je suis salafi, ensuite tu mets la casquette, tu marches en boitant là, comme certains ils font dans les cités. Non! Il y a un comportement qui va avec. Il y a une méthodologie qui va avec. Et donc ça, c'est très important, les frères, barakallahu fikoum. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa yaf'alouna ma la yu'marun. Et ils font, donc ces gens, cette mauvaise génération, ces mauvais successeurs, ils font ce qu'il ne leur est pas ordonné. Al-bida. Ils font ce qu'il ne leur est pas ordonné de faire. Et donc, ils délaissent la sunna. Et ils font des bidas. Et c'est là qu'on voit la parole des ulémas lorsqu'ils nous disent, il n'y a aucune communauté qui accomplit une bida sans qu'il délaisse une sunna. Et donc, on voit ici encore une fois la gravité de l'innovation. La gravité de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui insistait sur ce sujet. Les savants ils nous disent, et parmi eux, l'imam Rabi'a, hafidhahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait en face de lui des compagnons, il n'y avait pas de mubtadi'a parmi eux. Malgré ça, les Jumu'ah, il nous dit Cheikh Rabi', djoul el khutab, La majorité des khutbahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam du vendredi, il mettait en garde contre les bidas. La majorité de ses sermons du vendredi, il mettait en garde contre l'innovation. Il n'y avait pas de Moubtadia parmi ses compagnons. Et donc ça nous montre le danger de cette innovation. Et que c'est la cause de la division de la communauté. Voilà pourquoi on trouve les savants qui combattent fermement ce grand danger. Avec dureté. Parce qu'il faut mettre fin à ce grand danger qui divise la communauté musulmane. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il nous dit « Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min » Alors celui qui les combat par sa main, c'est un croyant. Celui qui combat qui? Ces mauvaises générations, ces mauvais successeurs, ceux qui viennent avec de mauvaises croyances, ceux qui vont délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire ce qui ne leur est pas ordonné. Celui qui les combat par donc, sa main, c'est un croyant. Ici, les savants ils disent, on a maratib al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. On a les différents degrés dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Les différents degrés. Celui qui a une autorité, qui a la capacité de punir ou de changer les choses par la main. Un gouverneur ou alors la police religieuse ou alors l'homme chez lui. Il a la capacité de changer les choses par la main. Alors il le fait par la main. Cheikh Arafat, hafidahullah, il nous dit ici, attention, lorsqu'on vous dit l'homme chez lui ou le professeur dans la classe, qu'il change les choses par la main, ça ne veut pas dire que tu tapes. Souvent les gens ils comprennent celui qui a la capacité de combattre par la main alors qu'il le fasse. Il te dit, ah ça veut dire je vais les taper. À chaque fois que je vois des gens dans ma famille, ils font une bida, ou ils font quelque chose qui n'est pas correct, je les tape. C'est pas du tout ce qui est voulu par là. Tu changes les choses par la main. Si c'est, je donne un exemple, un enfant qui vient avec de la musique ou qui vient avec une image à la maison, tu n'as pas besoin de dire, yarhamukallah, tu n'as pas besoin de dire, est-ce que tu peux aller mettre l'image ou jeter l'image ou autre. Tu la prends toi-même et tu montres fermement que ça c'est interdit, etc., etc. Et donc, c'est-à-dire que cette chose, tu peux la corriger toi-même. Et donc ça, c'est important. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ Celui qui le combat avec sa langue, c'est un croyant. Et donc, tu combats ses innovations, tu combats ses croyances innovées. Avec yarhamukallah, avec ta langue, celui qui fait cela, c'est un croyant. Et donc, il est important, barakallahu fikum, de ne pas laisser les innovations se propager. C'est important. Le silence, le fait que tu te taises face au groupe, face aux croyances erronées, cela est une cause de la propagation du mal. Cela est une cause de la propagation du mal. Et certes, le Cheikh Rabia, il l'avait dit une fois dans une de ses conférences, il disait, parmi les plus grandes causes de la propagation du mal et de la propagation de l'innovation, le fait de se taire face au faux. Le fait de se taire face au faux. Et donc, il est important, aux chers frères, voilà pourquoi nos savants, les salafs, ils ont combattu les innovations. Ils ont écrit énormément de livres. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit combien de livres où il répliquait aux innovations? Énormément. Et après lui, beaucoup de savants ont fait, avant lui et après lui, beaucoup de savants ont fait cela, le fait de répliquer aux innovations. Allah tabaraka wa ta'ala, il a répliqué aux ambiguïtés des mouchriquines. Il a répliqué à leurs ambiguïtés. Et donc il est important que nous aussi, aux chers frères, on réplique aux ambiguïtés, on réplique aux ambiguïtés qui sont autour de nous. Ce n'est pas correct qu'on reste là, ah moi, alhamdoulilah, j'ai compris la vérité, khalas. Et que les gens nous disent, surtout, les gens nous disent, c'est ça la base. Regardez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre les degrés. Le premier degré, le fait d'ordonner au bien et d'interdire le mal avec ta main. Le deuxième degré, avec ta langue. Le troisième degré, avec ton cœur. Pour celui qui n'a pas la capacité, il n'a pas la capacité de parler, d'expliquer. Au minimum, c'est avec son cœur. Et le prophète, il nous montre que cela, c'est le plus bas degré, comme dans l'autre hadith. Celui d'entre vous qui voit un mal, alors qu'il le change avec sa main. فإن لم يستطع فبلسانه s'il ne peut pas alors avec sa langue فإن لم يستطع فبقلبه s'il ne peut pas alors avec son cœur وذلك أضعف الإيمان et cela est le plus bas degré de la foi. Aujourd'hui les gens veulent nous dire ah non il faut se taire. Ça c'est ça le hikma. C'est ça, c'est, voilà le comportement que tu dois avoir. Les gens veulent qu'on se taise. Comme ils voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taise. Les politistes, ils voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taise. Taskutu an alihatina. Tu te tais. Arrête donc de blâmer nos divinités. Non, le salafi n'est pas comme ça. Le salafi, il continue en fonction de ses capacités. En fonction de ses capacités. Et donc c'est important, chers frères, qu'on comprenne ce principe très important, le fait de défendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Idha tala al-majlisu kana li-shaytanu fihi nasib. Lorsque l'assise elle est longue, le shaytan il a une part dans celle-ci. C'est-à-dire que les gens ne sont pas concentrés. Lorsque l'assise elle est longue, les gens ils perdent leur concentration. Et donc je préfère qu'on fasse court plutôt que de prolonger, que vous ne soyez pas concentrés. Inch'Allah ta'ala, on arrête là. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.